Bonsoir amateurs de musique progressive, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec la musique progressive à l'émission Terra Incognita, en compagnie cette semaine de Bruno et Jean-François. Et il sera question évidemment de concerts parce qu'il y en a énormément par les temps qui courent. Et il y en aura beaucoup dans les prochains mois. Mais on prépare tranquillement la convention Terra Incognita aussi, qui mettra en vedette plusieurs groupes, dont Anecdoten, qu'on attend impatiemment, parce que la dernière visite remonte à 1998, donc ça fait assez longtemps, et les amateurs de bonne musique, disons, en ont pâti un peu. Il y aura aussi une belle découverte, Elephant of Scotland. Contrairement à ce que son nom le dit, c'est un groupe américain. Et la soirée du dimanche sera aussi belle avec K-Pa da Capo. Si on parle de trois membres d'origine du groupe K-Pa qui font les disques des années 70. Donc ça va être assez extraordinaire. Et il y aura aussi Il Castello di Atlante qu'on a vu il y a 2-3 ans, toujours à la convention, qui avait fait un spectacle absolument époustouflant. Où surtout le batteur, le batteur-chanteur, se promenait dans la foule et faisait une animation là, absolument dynamique. Et il y a quelque chose d'assez particulier à ce qui les concerne, c'est que le claviériste Tony Pagliuca sera avec eux autres, le claviériste des belles années de Léormi. D'ailleurs, on va entendre une pièce de Léormi extraite de Felona et Sorona qui met en vedette justement Tony Pagliuca. Et lors du concert de cette semaine, de jeudi dernier, qui mettait en vedette le Neil Morse Band et Mystery, je parlais avec parce que c'était une belle occasion aussi de rencontrer des amateurs de musique progressive et des amateurs de musique point, je dirais, parce que quand on parle de Frog Café, il est question aussi de musique qui rejoint un peu les belles années de Frank Zappa avec un style de, je dirais, j'ose pas dire jazz rock parce que ça fait peur aux gens, là. Mais disons qu'ils ont un style assez éclectique là, qui va dans le progressif raffiné au style Zappa, mais un petit peu aussi d'un côté jazzé. Donc Frog Café sera aussi de la partie le dimanche et je pense que c'est un beau groupe à découvrir. Et pour revenir au spectacle du Neil Morse Band, je pense que ça a été assez épatant ce concert-là. On peut être tenté de dire qu'on a vu beaucoup Neil Morse dernièrement à Québec, mais je pense qu'à chaque fois, c'est toujours renouvelé. Et ce qui m'a frappé le plus dans la prestation de jeudi dernier, moi, je dirais que c'est le passage où chacun des musiciens se passe les instruments des autres. Disons que c'est assez épatant. Et le guitariste qui joue à part ça, c'est une guitare 7 cordes. Et mon Dieu, ce gars-là n'a pas grand-chose à envier aux grands guitaristes de ce monde. Et quand Eric Gillette joue les claviers pendant que d'autres musiciens s'occupent des autres instruments, on s'est aperçu qu'il se débrouillait assez bien là-dessus. Et là, il m'a épaté, c'est à la batterie. Et on s'est rendu compte qu'il était meilleur à la batterie que beaucoup, beaucoup de batteurs pour qui c'est l'instrument principal. Et donc, Neil Morse tenait la basse à un moment donné. Il a joué de la batterie aussi. Et chacun des autres musiciens faisait la même chose. Disons que ça a été un passage qui m'a épaté peut-être plus que le reste. Mais en première partie, Mystery, qui en passant n'a pas pu jouer à Montréal à cause d'un retard, c'est vraiment désolant. Mais Mystery a offert aussi une très belle prestation. Et le nouveau chanteur, on m'a dit qu'il s'appelait Jean Pageau. Et il y a une physionomie qui ressemble un petit peu à un Peter Gabriel avec peut-être 50 livres de moins et une bonne vingtaine d'années de moins. Et on lui a dit qu'il avait un style qui rejoignait un peu le même charisme que le chanteur de Saga, Michael Sadler. Et il a dit, oui, justement, parce que je fais un hommage à Saga. Donc, c'est à beau pour rien. Et en ce qui concerne Mystery, il y avait quelqu'un qui était là justement pour les voir. Je parlais de Pierre, notre ami de la Beauce aussi, qui regrettait que Mystery n'était pas plus présent que ça à Québec, alors que en Europe, Mystery, et même adulé. C'est un groupe qui a enregistré même un album dans les Pays-Bas. Et on va en entendre un extrait aussi d'un dernier disque qui s'appelle Tale from Netherlands. Et le bloc se terminera par Les Ormées, avec la pièce de Felona et Sorona. Et on débute avec le Neil Morse Band. Me looking at the sun, and after all the loves of my Drive on to the night. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir, bienvenue à La Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clés, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pince graphique puis une tuque. Dressé ou à rabat noir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Du champ de l'étonne, j'en ai rien pour apporter. Chérie, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à La Barberie. Yeah, yeah, yeah, yeah. À La Barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du blues avec Harry Manx. Well, I'm off to Spain now to see the dawn. Originaire de l'île de Man et grand voyageur, Harry Manx nous envoûte avec un son qui lui est unique. Mariant le blues traditionnel et les ragas indiens, il nous fait voyager d'est en ouest au gré de ses compositions. Le 20 mars, vivez la musique à son meilleur avec le blues unique d'Harry Manx. Détails au palaismontcalm.ca. Le Radiothon de CKRL aura lieu du 27 au 29 mars prochain. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Procurez-vous votre carte de membre de 25 $ ou faites un don de 20 $ et plus avant le 27 mars 17h et courez la chance de gagner le prix pré-radiothon de 150 $ de la boutique Le Pédalier et le prix spécial Membership de Sillon le Disquaire d'une valeur de 150 $. Pour renouveler votre carte de membre ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h ou par Internet avec le service sécurisé PayPal sur ckrl.qc.ca. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Le plein air, la foule sont parfois de rudes adversaires pour le micro. CKRL 89.1. It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, they always make certain things pay. Québec. Les voix, les sons seront plus éloquents que le plus pertinent des discours. Et c'était Mystery qui a terminé ce premier bloc, donc deux longues pièces. On a entendu Travel to the Night, qui originellement se retrouvait sur Beneath the Veil of Winter's Face. Une très bonne période en ce qui concerne Mystery. Et ce qu'on a entendu, cet extrait de Tales from Netherland, un album double qui a été enregistré justement aux Pays-Bas. Et juste avant, c'était le Neil Morse Band, mais c'est extrait du deuxième disque. Donc, c'est le disque bonus de l'édition spéciale. Marc, la semaine dernière, a fait jouer la pièce d'ouverture du disque régulier. Et je pense que Marc vous a parlé aussi du nouveau magazine Progressiste 79, qui est arrivé en fait le lendemain de ma dernière émission, en fait dans la semaine qui a suivi. Et il y a beaucoup question du festival Progressiste qui a lieu à Soignies en Belgique. Et parmi les groupes en tête d'affiche, il y a Ange, le groupe Ange français qu'on appelait les Genesis français. Moi, je trouve pas que ça sonne énormément comme Genesis. Je trouve qu'ils ont leur personnalité. Et c'est un groupe qui existait dans les années 70 et qui existe toujours. Ils ont même réenregistré leur classique Émile Jacoté. Et dans ce numéro 79, on en fait la critique. Et un autre groupe qui va être assez particulier pour cette première journée de festival qui a lieu les 25 et 26 avril, donc à Soignies, il y aura il y a David Jackson avec Alex Carpani qu'on a vu à Québec. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en plus de jouer des pièces du Alex Carpani Band, ils vont jouer aussi des pièces de Van der Graaf Generator. Et je pense que ça va être assez intéressant. Il y a un groupe qu'on a beaucoup aimé dans les années 90, c'est Syncadus qui revient. Donc, ils feront partie aussi de cette première journée et qui débutera par le groupe Amanda. Lors de la deuxième journée, ce sera Arena, qu'on a déjà vu à Québec à quelques reprises. Et un groupe qui m'intéresse beaucoup, que j'aurais aimé voir, c'est The Gentle Storm. C'est pas un nom qui évoque beaucoup de choses pour l'instant, mais quand on regarde un petit peu, c'est Arjen Anthony Lucassen, alias Arion, qui est avec Anneke, qui faisait partie de Gathering et qui a joué aussi beaucoup avec Ariane Lucassen sur ses productions. Il y a un disque qui s'en vient aussi, qui, je pense qu'il n'est pas sorti encore, mais ça s'en vient, c'est très proche. Et il y aura aussi Sky Architect, très très bon band qu'on a vu à Québec et que j'avais eu l'occasion de voir aussi à l'époque où ça s'appelait la Convention progressiste, c'était à ce moment-là à Verviers. Et la même année qu'on les avait vus à Québec, je les avais vus à Verviers, en Belgique, quand j'étais allé voir After Crying, mon groupe des années 90 préféré. Et je vois dans la même page, en fait la page à côté, The Watch Play Genesis. Donc The Watch s'attaque à The Lamb Lies Down on Broadway. Et pour l'instant, il n'est pas question de The Watch à Québec. Ils sont venus à quelques reprises. Et on va y aller en musique parce qu'on a pris un petit peu de retard là, sur le programme musical. Donc, j'avais parlé de Léon May, donc il va y avoir un extrait de Felona et Serona. Et sur cette pièce-là, c'est justement Tony Pagliuca qui joue les claviers. On va entendre aussi une curiosité, Citizen Kane, Stuart Bell. Donc, moi, je pensais que Citizen Kane, c'était plus le groupe du chanteur là, qu'on appelle Cyrus. Mais lui s'est approprié le nom, donc lui c'est le claviériste. Et on va entendre aussi Cotta Bell, qui fait partie d'un disque qui vient avec le magazine Progressis. Donc Cotta Bell, c'est extrait de ce disque-là. Et Citizen Kane, c'est extrait d'un autre disque qui vient avec le magazine, qui s'appelle New Species. Donc on commence avec Léon May. Thank you. channel of nonsensical thoughts. Here I wait, waiting for that moment, the crossing over, the shift, the change. Wandering through my inner world, a character conjured by my mind. Oh, is she real? Walking her dog through imagination, through streets of memories in my mind. Oh, so it seems. I follow her through streets and rail, through isolates, undying fields. She reaches home. Watch her enter. Should I pursue? As I approach, the cat appears. It stares at me. I feel a deja vu. How fast that force? A waking beast. It's slowly all I see. All I see. Thank you. myself. I get up from and down and walk. My end is near. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Les 27, 28 et 29 mars, c'est le Radiothon 2015 de CKRL. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés, et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radiothon vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs, La Barberie, Le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Venez vivre votre révolution tranquille du 27 au 29 mars à CKRL. Voudrais-tu devenir ma révolution tranquille? CKRL 89.1, Québec. Et on a terminé avec Cotabel qui est enregistré au festival Progressis de 2013. Et, ben en fait, oui, c'est ça, 2013. C'est ce qui est écrit. Je pensais que c'était le dernier, mais non, c'est bien 2013. Et juste avant, on avait Citizen Kane's Stuart Bell. Donc, c'est Stuart Bell, le claviériste de Citizen Kane. Et la pièce s'appelle Projection. Projection, c'est bien ça. Et l'album s'appelle The Antechamber of Being Part 1. J'imagine qu'il va y avoir un Part 2, possiblement. Et je suis un petit peu surpris, moi, de voir ça, comme je vous disais tantôt. Et c'est quand même surprenant quand on l'écoute aussi. Je ne sais pas si vous avez reconnu certaines voix. Il y a celle de Simone Rossetti de Watch. Et pour ce que j'ai pu trouver, il y a aussi, on dit que Arion a participé, Arion Lucassen. Mais moi, j'ai cru reconnaître la voix de Damian Wilson. Et j'ai pas vu ça dans les crédits. J'ai pas l'album au complet, là. C'est un sampler qui est venu avec le magazine Progressis, mais pour ce que j'ai pu trouver sur Internet, il n'y a pas son nom. On reconnaît une foule d'autres voix aussi là, qui gravitent autour de Arion Lucassen. Et pour poursuivre, toujours avec le disque sampler de Progressis 79. On va entendre un groupe qui sont les protégés de IQ. C'est un disque que je connais pas dans son entier. En fait, je connais juste une couple de pièces que j'ai vues sur des samplers. Et c'est un album éponyme et ça s'appelle... la pièce qu'on va entendre, c'est Epiphanie. Mais c'est un disque qui a été assez bien coté et qui bénéficie, comme je disais, de l'aura de IQ. Et on reconnaît aussi certaines influences. Et dans ce numéro de Progressis, il y a une entrevue avec le groupe, et ils disent que le prochain disque est pratiquement prêt, là, et qu'il va ressembler un petit peu plus à Hawkins, Spocksbeard et le Neil Morse de l'époque Spocksbeard, justement. Et ils sont conscients de ces influences-là, mais ils les assument pleinement. Et côté concert, je vous ai parlé du Neil Morse Band, mais le prochain qui m'intéresse, c'est IQ. Et IQ, ça sera le 11 avril. Il y a Hawken avec Spocksbeard aussi. On en avait parlé la dernière fois. C'est des gros shows qui s'en viennent. Et Steven Wilson qui s'est confirmé. Et aussi Three Friends qui s'est rajouté. Donc, c'est l'abondance côté spectacle. En plus de la convention Terra Incognita. Je pense qu'on a un très gros printemps et là, on est rendu à l'automne. Et on va poursuivre, donc, je vous disais, Synesthesia. Mais je voulais parler aussi un petit peu de Beardfish que je vous présentais lors de ma dernière émission. Et cette fois-là, on va aller avec le 10 bonus. Et j'ai écouté ça un petit peu plus. Et il y a un livret juste pour ça. Et je me suis amusé à lire ça un peu et on voit qu'il y a des influences de Gentle Giant. En fait, sur la pièce qu'on entend qui s'appelle Yaya, là, c'est bien décrit aussi. Et il y a une autre pièce qu'on n'écoutera pas, là, mais qui pour eux autres, ressemble beaucoup à I Lost My Head. Et effectivement, surtout quand on le fait remarquer comme ça. Il y en a une autre où il est question de King Crimson et des influences de King Crimson. Ils disent même des influences très lourdes et c'est effectivement le cas. On va entendre aussi une pièce de Lunatic Soul que j'aime beaucoup. Je vous l'ai présenté lors de la dernière émission. Et toujours sur le même sampler, on retrouve cette pièce-là, Cold. Donc, on va l'écouter à partir de ce disque-là. Et le bloc se terminera avec K-Pour, que j'ai pris du temps à acquérir. En fait, je l'avais commandé à une place et ça a pris un temps fou à arriver. On va entendre la pièce titre qui s'appelle Satig.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir, bienvenue à La Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clés, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pince graphique puis une tuque. Tressé ou à rabat noir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Des champs de l'été de l'opéré pour emporter. Non, je reçois. Chérie, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à La Barberie. À La Barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. C'était K-Pa. Le dernier album de K-Pa qui s'appelle Satig. On a entendu la pièce titre, qui est une pièce instrumentale. Et c'est la plus courte parce qu'autrement, ça joue généralement dans les 15, 13, 10 minutes. 14 minutes même. Et c'est pas tout à fait le K-pop qu'on va entendre à la convention, par contre. C'est un son qui est différent un peu, qui s'est éloigné, c'est un peu normal, du K-pop des années 70. Mais ce qu'on va entendre, c'est moi je trouve que c'est les meilleurs. En fait, dans les dernières semaines, on l'a mis assez souvent. Donc le premier album éponyme qui était vraiment extraordinaire, et solo qui changeait un petit peu, qui se modernisait déjà, les pièces un peu plus courtes, des synthétiseurs plus modernes, mais quand même une bonne musique. Et à cette époque-là, Ron Stolt officiait encore dans le groupe. Et en parlant de Ron Stolt, je parlais avec Michel, puis il me disait qu'il y avait une confirmation à l'effet que Ron Stolt ses services avaient été retenus par Steve Hackett pour sa prochaine tournée. Bon, c'est quand même intéressant. Ça risque d'être curieux un petit peu. Parce que Ron Stolt jouerait de la basse, pourrait doubler des lignes de guitare et jouer de la guitare 12 cordes. Mais c'est sûrement quelque chose qu'on va surveiller parce que une tournée avec Steve Hackett, c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux. Et en parlant de prestige, ben, je pense que ça va rejaillir un petit peu sur la convention Terra Incognita puisque Ron Stolt sera à Québec encore une fois, mais avec un projet différent. Donc, dans les dernières années, même si on l'a vu quand même assez souvent, c'est toujours des choses assez différentes. Et juste avant ça, on a entendu Lunatic Soul, Walking on a Flashlight Beam, un disque que moi je trouve franchement fascinant, et c'est une très très belle période, je trouve, pour la musique progressive présentement. Il y a des disques absolument extraordinaires qui paraissent présentement. Juste avant, Beardfish. C'est quand même amusant, ce disque-là, qu'on retrouve sur l'édition spéciale avec deux disques. Et c'est tous des travaux comme ça qui ont été faits au fil des ans. Et il y a même un deuxième livret là, qui va avec ça, ce qu'on explique tout ça, et ça s'appelle Historical Document. Et ça s'appelle Beardfish, The Early Years. Donc, on voit que Beardfish est un groupe qui, je pense, qui aime son public. Et son public l'aime, on pourrait dire, pour employer une expression consacrée de Rose Ouellet. Et ça aurait pu faire partie d'un disque qui aurait été commercialisé séparément. Mais eux autres, ils l'ont inclus. Moi, je trouve ça intéressant. Et la pièce qu'on a entendue, ben, ça montre l'intérêt du groupe pour Gentle Giant. Et c'est évidemment un démo qui se sont pas permis de sortir sur un album officiel parce que c'est peut-être un peu trop ressemblant. Mais c'est quand même les jeunes années de Beardfish. Et il y en a une autre, comme je disais tantôt, qui ressemble franchement à I Lost My Head, puis le groupe l'admet volontiers. Et juste avant ça, un groupe qui a le vent dans les voiles, Synesthesia, qui malheureusement est difficile un petit peu à trouver, ce disque-là. Mais ce qu'on a entendu, ça vient de la compilation Progressis 79. Et ce que je trouve intéressant dans le magazine aussi, c'est un gars comme Bruno doit se rappeler de Devil Doll. Ah, Bruno me fait signe un peu. Devil Doll, on a parlé beaucoup d'eux autres dans les années 90. Et justement, c'est dans la chronique I Love 90. Et il y a un petit jeu de mots là-dessus. Plus torturé que ça, tu meurs. Et tu meurs, c'est comme la maladie, là. Donc, c'est le cancer, là. Et on parle de chacun des disques de Devil Dog qui sortaient à cette époque-là. Si vous avez jamais entendu ça, je pense que ça vaut à peine, mais faut quand même être prévenu que le vocal est un petit peu outrancier. Là. C'est assez différent de ce qu'on est habitué d'entendre. C'est un petit peu, je dirais, quasiment satanique. Là. C'est toujours intéressant aussi de voir le pôle de la rédaction. Et ce qu'on retrouve en tête de liste, ben, c'est sans surprise, hein. IQ se retrouve souvent en tête de liste de chacun des rédacteurs. Et il y a même Univers Zero qui se retrouve assez régulièrement. Arion, Lazuli, Fish, Caucasus, Airbag, c'est sans surprise. Parce que c'est des groupes qu'on apprécie beaucoup. Mais quand on y va individuellement, on voit beaucoup d'autres noms et il y a des noms qu'on connaît peut-être moins aussi. Et bon, beaucoup de chroniques de disques. Et sur le même sujet, il y a toujours en parlant avec Michel, le prochain magazine de Terra Incognita qui sera disponible aussi très très rapidement parce que Michel est en train de mettre la dernière main à ça, donc ça se termine. Ça part pour l'imprimerie d'ici une couple de jours, donc ça sera disponible probablement à la fin de la semaine prochaine. Déjà, le dernier bloc, et Marc en a parlé la semaine dernière, vous a mis une pièce assez longue et un grand classique de ce groupe-là. Je parle de Van der Graaf Generator qui nous a sorti une édition spéciale. Mais en fait, il y a deux éditions, l'édition avec juste un disque. Moi, je trouve que c'est de valeur de pas prendre l'édition spéciale avec le disque bonus, sur lequel on retrouve des grands classiques qui me plaisent beaucoup, comme Over the Hill, qui en est déjà un classique, même si ça fait partie de la dernière incarnation du groupe, là, qui, en passant, est la plus longue de la carrière. Le groupe a existé à la fin des années 60, début 70, séparation. Ils reviennent ensuite au milieu des années 70 pour se séparer à la fin. Et là, sont ensemble depuis, si je ne me trompe pas, je pense qu'on parle de 2006. Donc, ça fait déjà un bon bout de temps. En fait, début 2007, il y avait eu le concert qui a été immortalisé par un DVD et un CD au mois d'avril. Et à ce moment-là, il fonctionnait déjà sous la forme d'un trio. Et ben ça se passe bien. Dans cette forme-là, on les aime comme ça. On va entendre une pièce assez longue qui s'appelle « Mugly Street » de Songwriter Guild. Et dans ce format-là, moi je trouve que ça y va très bien. Et ça fait partie du disque qui est en bonus. On retrouve aussi Childlike Fate et Childhood End sur ce même disque-là. Et Manor, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il faut vraiment opter pour la version 2 disque. Ce sera suivi de Fish on Friday, qui fait partie aussi du sampler qu'on retrouve avec le magazine de Progressist. class of men. There's nothing else but my guitar. I suppose still have.

C'est Fish on Friday de l'album Godspeed, un groupe qu'on connaît quand même assez bien ici. On a écouté des disques antérieurs à celui-là. Et c'est extrait de l'album New Species qui parvient avec le magazine Progressis numéro 79. Et on vous rappelle que le festival progressiste à Soignies pour les voyageurs, c'est au mois d'avril, les 26 et 27 avril, et n'oubliez pas non plus la convention Terra Incognita au mois de mai, pardon, parce que le mois de février s'est passé. Et c'est déjà tout en ce qui nous concerne, et n'oubliez pas le Radioton qui aura lieu les 28. Je vois pas les dates. On nous dit. Donc, vous pouvez faire des dons pré-radioton. 27, 28, 29. Bon, merci Bruno. Et restez à l'écoute pour l'autoroute avec Stéphane Villeneuve qui entre en onde tout de suite après nous. Donc, bonne semaine à tous et revenez-nous la semaine prochaine. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Okay. J'ai essayé de rentrer par infraction en haut de la porte Saint-Jean. Il y avait une porte de secours. On essayait de défoncer. Et c'est là que la police est arrivée en grand nombre. On nous dit, on savait pas que le char était pris dans la salle. Mais là, ils commençaient à checker les affaires, les flics, parce qu'ils savaient que ce beau monde-là était tout en motésie, puis ça allait tout sortir en même temps, puis foutre le bordel. Fait qu'ils étaient montés sur la porte Saint-Jean. Puis là, quand ils nous ont vus, ils sont venus nous chercher, évidemment. On n'avait pas encore réussi à défoncer la porte.